Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et la forêt. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien, c'est ce que représente la forêt. La coopérative représente plus de 35 camionneurs, transporteurs et chargements de bois, ainsi que des chargeuses en forêt. Les bureaux de la coopérative de camionnage sont situés au 905 boulevard Amel Saint-Félicien. Pour les rejoindre, composez le 418-679-4194. La coopérative de camionnage est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et la forêt. Quelques jours du repêchage de la Ligue canadienne de football, c'est mardi soir, présenté d'ailleurs à RDS et à TSN. Et évidemment, Dolbeau-Mistassini va vivre une journée historique puisque Shane Gauthier va devenir, à tout moins à ce que je sache, le premier Dolmissois à être repêché par une équipe de la Ligue canadienne de football. Question de savoir comment il entrevoit ça, on lui parle. Salut Shane! Shane, on est à quelques jours du repêchage des Canadiens de football. Ça va être un grand jour pour toi. Ça va être une journée quand même assez historique pour la ville aussi. Comment tu te sens à quelques jours? Est-ce que la nervosité commence à te gagner? C'est certain, je suis fébrile un petit peu. J'ai hâte de... Je vis un peu dans l'inconnu un petit peu. Je sais pas où je vais m'en aller. Fait que c'est un petit peu stressant tout ça, mais c'est du bon stress. C'est excitant, puis j'ai hâte à mort. Okay. Est-ce que tu as eu des pourparlers avec des équipes? Certainement qu'il y a des équipes qui ont dû t'approcher. Entre autres, faut parler des Alouettes. Est-ce que les Alouettes t'ont parlé? J'ai passé des entrevues avec eux, oui. J'ai eu 6 entrevues au total. Lorsque je suis allé au camp d'évaluation de la Ligue canadienne, dans le fond, toutes les équipes de l'Est m'ont interviewé, puis plus Calgary dans l'Est. Mais au final, ces pourparlers-là, je peux me faire repêcher pareil par les équipes qui m'ont pas parlé. Effectivement. Ça va aller selon ce que les équipes ont besoin, puis ce qu'ils pensent de moi aussi, là, c'est comment ils pensent que j'ai performé. Okay. Mais oui, j'ai parlé aux Alouettes. Je pense que mon entrevue a super bien été, mais je ne sais pas si c'est là que je vais me ramasser au final. Qu'est-ce qu'on pose comme question lorsqu'il est temps du repêchage? C'est quoi tes plans de carrière? Souvent, moi, ce que j'entends dire, c'est pas nécessairement des questions qui ont rapport avec le sport. Non, pas vraiment. Ils veulent voir quel genre de personne que tu es, comment tu réagis selon certaines situations. Qu'est-ce que tu fais de tes temps libres, des trucs comme ça. Ils veulent apprendre à te connaître un petit peu comme personne. Puis des fois, ils te posent des questions sur le football, comment tu vois certains jeux, quel type de joueur que t'es. Puis des questions comme ça. OK. Shane, on dit que... moi, je parlais avec Charles-Antoine Sinotte de TVA Sport, puis il me disait que... Il mentionnait que tu as des chances d'être assez repêché assez haut, compte tenu que tu es bon sur les unités spéciales, puis des joueurs canadiens bons sur les unités spéciales, c'est une denrée assez rare. Oui, je pense que c'est de même que je vais faire ma marque dans les canadiennes, plus que comme partant défensif. Je pense que oui, ça peut m'aider dans mon rang que je vais être repêché. Puis c'est important d'être capable de performer sur toutes les unités spéciales. Je pense que les équipes, c'est ça qu'ils recherchent comme joueurs. Okay. Le dernier relevé en vue du repêchage sorti samedi la semaine dernière, n'était pas dans les 20 meilleurs espoirs de la Ligue canadienne en vue du repêchage. Toi, tu te considères comment? Est-ce que vraiment le but, c'est d'être repêché ou plus haut possible? Tu serais déçu, mettons, d'être repêché en 6e ou 7e ronde? Alors ça, je serais pas vraiment dessus de passer 1 puis 2, je pense que le numéro de la ronde n'a plus vraiment d'importance. C'est vraiment 1 puis 2 qui est important. Je pense pas être repêché dans ces rondes-là parce que côté position, les positions avantageuses, c'est plus pour les joueurs de ligne défensive et receveur. Okay. Donc dans les premières rondes, c'est surtout ces joueurs-là qui ressortent beaucoup. Mais non, je serais pas dessus. Mon but, c'est seulement d'être repêché. Puis si c'est le plus haut possible, ben, tant mieux. Si c'est plus tard, ben c'est pas grave. Je vais être capable de me démarquer aucun de toute façon. Okay. Shane, lorsque des tests d'habileté, ce qu'on appelle les combines de la Ligue canadienne de football, est-ce que c'est des tests qui sont difficiles? C'est des tests qui nécessitent beaucoup de préparation. Okay. C'est pas vraiment... C'est beaucoup de pratiquer de la technique. puis c'est surtout les un contre un qui sont importants une fois rendu là-bas. Là. Voir comment tu réagis face à un adversaire, puis comment tu peux te débrouiller ces unités spéciales, parce que on fait des confrontations d'unités spéciales. Okay. Puis c'est surtout dans ces drills-là qu'il faut que tu réussisses à démontrer que tu es différent des autres, puis tu peux amener quelque chose. Est-ce que ça ressemble à les combines? Est-ce que ça ressemble un petit peu à ceux-là qu'on voit à la NFL Network pour la NFL? C'est un peu le même principe? Oui, ça c'est exactement ça. La même affaire. OK, OK. Ouais, peut-être deux, trois affaires qui changent. Ouais, ben parce que, au final, ça ressemble. Parce que la Ligue canadienne de football, à quelque part, c'est à quelque part, la Ligue canadienne, c'est pas tout à fait les mêmes règlements, là. Donc, c'est ça. Quelque part, il doit y avoir quelque... Non, ben peut-être... Ouais. NFL, il y a peut-être moins d'exercices d'outils spéciales. Okay. Il se concentre plus sur le talent des positions de joueurs. Parce qu'il y a quelque plus, étant donné qu'il y a quatre essais, il y a peut-être moins d'unités spéciales un peu. Les Canadiens, c'est une ligue d'unités spéciales beaucoup. Fait que c'est pour ça qu'ils nous font faire des exercices à ce niveau-là pour voir comment on réagit dans ces situations. Le fait que tu as joué avec le Rouge et Or, tu as fait ton programme universitaire avec le Rouge et Or, ça doit t'aider quelque part. Si tu aurais joué avec Bishop, je suis pas sûr que tu aurais eu la même chance d'être pêché aussi haut. Est-ce que ça l'a aidé? Je pense que oui, parce que le Rouge et Or nous prépare à ce défi-là. Okay. Comment on est entraîné, nos installations, on vit dans... Ouais. Le Rougeur, c'est quasiment vivre dans un monde de professionnels, et on n'est pas des professionnels. Ben oui, c'est sûr. Fait que lorsqu'on arrive, beaucoup d'entraîneurs voient que on est prêt pour cette ligue-là, puis qu'on est bien préparé à ça. Shane, on ne s'est pas parlé depuis le mois de janvier en raison de mon absence. Qu'est-ce que tu as fait en janvier? Je voudrais t'en parler un petit peu, parce que quand j'ai quitté, tu partais pour la NFL. Je sais que tu ne veux pas trop en parler, mais je veux quand même que tu poses des questions. Comment ça a été dans l'ensemble? À ces deux jours-là à Baltimore. Est-ce que ça a été quand même positif? C'était une expérience enrichissante. Comment tu as trouvé ça? Oui, j'adorais ça, c'est sûr. C'est le fun de se comparer. C'est vraiment des bons joueurs. C'est pas les meilleurs de la position parce qu'ils ont été invités au vrai repêchage de la NFL, mais on peut se comparer un peu aux Américains, puis les Canadiens ont rien envie aux Américains. On est capable de compétitionner avec eux sans problème. Okay. Peut-être la nationalité fait en sorte que les recruteurs sont moins attirés par nous juste à cause de ça. Je sais pas pourquoi, mais eux autres, ils aiment mieux les Américains. Hein, okay. Mais non, j'ai une super belle expérience. J'ai pas eu l'air fou. Puis, OK. Pas j'aurais pu avoir ma chance, mais c'est souvent ça, c'est souvent ça, effectivement. On regarde un peu ce qui se passe au football mineur, ça arrive régulièrement, il y a un tournoi qui existe juste avant le Super Bowl, puis ça arrive régulièrement que le Canada bat les États-Unis, là. C'est vrai ce que tu dis là? Oui, les Canadiens n'ont rien demandé aux Américains, on a des excellents joueurs ici, c'est juste que le football canadien et le football américain, c'est complètement deux sports différents. Ouais. Puis c'est ça qui fait la grosse différence. OK. Puis finalement, par la suite, j'imagine que tu as fait des programmes d'exercice, tu t'es préparé en vue des combines. Les Canadiens, c'est ce qui est arrivé là. Oui, exactement. J'ai poursuivi ma préparation pour être prêt pour le camp de la Ligue canadienne. Puis après la Ligue canadienne, je m'entraîne encore pour être prêt pour éventuellement le camp que je vais participer au mois de juin. OK. Hey Shane, il faut que je te parle de Charles Vaillancourt qui est actuellement au camp au pré-camp des Raiders de Oakland et des Giants. Et il va aller au camp des Giants de New York aussi. Ça va assez bien pour lui, hein? Charles, il y a aussi Philippe Gagnon, aussi. Un autre joueur. Ouais. Il va aux Giants aussi. Ouais. Ces deux joueurs-là, c'est pas mal. Ces deux joueurs de ligne ont fait assez incroyable. Je pense qu'ils méritent tout ce qui leur arrive. Ils ont travaillé super fort. Puis je pense qu'à travers les années, ils ont démontré qu'ils étaient assez dominants sur le circuit universitaire pour pouvoir se faire valoir aux États-Unis. Puis il y a beaucoup de Canadiens qui vont au mini-camp des Giants. Okay. Étant donné que le copropriétaire, eux, c'est un Canadien. Fait que les Canadiens ont une bonne visibilité à New York dans cette équipe-là. Fait que je pense que c'est une bonne chose pour les Canadiens, puis De plus en plus, je pense qu'il va y avoir des Canadiens qui vont pouvoir faire leur marque dans le, au sud. Ben oui. Vachine, on va te souhaiter la meilleure des chances. On va être là, on va être devant notre téléviseur mardi. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde ici à The Boom Sesni qui ont bien hâte de voir ce que tu vas aboutir. Et félicitations. Merci Shane beaucoup. Gauthier qui sera repêché mardi prochain lors du repêchage des Canadiens de football.